soki dalobe molimo na ngai pambola nzambe kobosana te bolamu na ye ata moko bien aime ebosana nyonso mebolamu ya nzambe te yango nasengi bandeko na ngai ya luzisila ya campus ya kimwinza na ya mangengenge tokota tokota tokota bata shoder nyonso tu mpo eza nzembo na biso alezinda tokende tokela maboko tokela maboko ya zinda tokela maboko toke biso nyonso sangisango toke nyonso aleluya toke moto lokolanga nazwa miko na ye mbalelo yo eza nini moto lokolanga nazwa miko na te yayaya eza nini tolokolanga nalongwa paya nakoma mwana nzambe boye eza nini bolamu boye nakobosana te mwasi ekomba lokolanga na bengami mama na diamseo mama bikolo ebele mafinga batonga na mela milangi elo bakangi moloko pola yo eza nini nazanga valere mpo na botaka te lelo pesinga bana ye papa nakomi na ntina ye bolama boye nakowanga na te yesu yo papa nawanga na te bitumba ya butu ebundela ngai ye na ya moi na ya kartier papa yopesanga elonga ya esilisa ngai basoni ya bomwana ye Na koma ya yo e, Simba rétroviseur. Simba rétroviseur, mon tu ne sois Simba rétroviseur. Engaye. Moi si le cola yo. Au bossa nous confond la parole la gambela. Et nous comment fond la langue en zoom là-bas. Hein? Si vous avez un peu de temps, vous avez une salle de bain, une jacuzzi. Vous avez un peu de temps. Si vous avez une TV en noir et blanc, vous avez un peu de temps. Vous avez un plasma, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez Sila bise.